Dossier 1, livre page 11. Un stylo noir. Une trousse rouge. Une règle jaune. Un crayon vert. Une gomme rouge. Un livre orange. Un cartable bleu. Un taille-crayon vert. Un cahier blanc.